Vie de la Vénérable Mère, Marie de Jésus, abbesse du monastère de l'Immaculée Conception de la ville d'Agreda. Appendice. Sur les difficultés soulevées à l'endroit du livre de la cité mystique, de la Vénérable Marie de Jésus d'Agreda. La cité mystique est l'œuvre capitale de cette vénérable religieuse, la somme complète de ses révélations, la formule et le résumé des opérations merveilleuses de la grâce divine en elle. Dans des récits habilement tracés, elle raconte tous les mystères et toute l'économie de la rédemption, et l'éclaircit avec une sublime éloquence les points les plus relevés de la théologie catholique, et commande des chapitres entiers de la Sainte Écriture avec une sagesse et une érudition qui feront à jamais l'admiration des savants. Il n'est donc pas étonnant que ce livre ait excité un intérêt général, et provoqué de nombreuses contradictions. On l'avait attribué d'abord à un prêtre directeur de notre vénérable abbesse. Mais comment contester, même au point de vue de la science, quel en soit l'auteur, lorsque le manuscrit que l'on en possède est parfaitement conforme à celui de ses autres ouvrages sous écrits de sa main, lorsque des hommes qui l'ont connu attestent que ses entretiens ordinaires avaient souvent pour objet cette histoire de la mère de Dieu. Philippe IV, roi d'Espagne, dont elle était l'amie et la confidente, en avait reçu plusieurs communications. Le 25 octobre 1643, elle lui disait dans une lettre « Le désir de contribuer au bonheur de votre majesté me rend prolixe. Je veux néanmoins lui rappeler ce que j'ai écrit dans un chapitre de cette histoire de la mère de Dieu que connaît votre majesté, correspondance de Marie d'Agreda avec Philippe IV par Germain de la Vigne, lettre 4, page 28. Le roi, de son côté, s'intéressait vivement à cet ouvrage. Il lui écrivait de Saragosse, le 7 mars 1644. Malgré mes nombreuses occupations, je saisis tous les instants dont je puis disposer pour lire quelques passages de l'histoire que vous m'avez envoyée. J'en ai déjà lu une grande partie, elle m'intéresse au plus haut degré. C'est une œuvre fort remarquable dans ce saint temps de carême. Philippe IV attachait un si grand prix à la cité mystique, qu'il en fit faire une copie qui fut déposée à l'Escurial. Le fait remarquable que raconte Ximénée dans la vie de la vénérable sœur, et dont le récit est rapporté tout au long dans la bulle de Benoît XIV, s'accorde parfaitement avec le témoignage des lettres citées. Marie de Jésus, abbesse d'Agreda, dit cet historien, ayant écrit un ouvrage intitulé « La cité mystique de Dieu », son confesseur, ne sachant pas discerner l'esprit qui le lui avait inspiré, lui ordonna de le brûler, ce qu'elle fit aussitôt. Mais un autre confesseur, plus expérimenté dans les choses divines, lui commanda par obéissance de refaire ce travail, bien qu'il existât une copie du premier entre les mains du très pieux roi catholique Philippe IV, faite par son ordre, avant que l'on eût brûlé l'autographe. Or, il arriva, non sans miracle, que le même ouvrage fut bientôt recomposé par la servante de Dieu, sans aucune différence avec celui qui avait été brûlé antérieurement, si ce n'est qu'elle ajouta au nouveau texte quelques petites choses, et des éclaircissements sur quelques points ce fut ce même texte, conservé au monastère d'Agreda, que l'on compara à l'ancien, dont la copie avait été conservée par Philippe IV. L'évêque de Tarazone procéda lui-même à cette collation. Il se fit apporter les deux manuscrits, l'autographe de la vénérable sœur et la copie déposée par Philippe IV à l'Escurial, et après l'examen comparatif des deux textes il constata que c'était tout à fait le même ouvrage, et qu'il n'y avait d'autres différences entre le nouveau manuscrit et l'ancien que quelques additions, et une plus ample explication de plusieurs points. Ce même travail, fait plus tard à Rome, amena pour conclusion le décret de Clément XIV qui reconnaît l'authenticité de l'ouvrage. À cette déclaration déjà si significative du souverain pontife sont venus se joindre les témoignages les plus honorables et les plus savants des écrivains les plus remarquables du temps, sur le mérite et l'orthodoxie de l'ouvrage. Nous citerons le révérend père Alonso Salizanet, ministre général de l'ordre de Saint-François, le révérend père Bernardin de Sienne, évêque de Viso, le révérend père Juan de Palma, confesseur de la reine Élisabeth de Bourbon, le révérend père Pedro Mavro, évêque de Tarazone, l'éminentissime seigneur César Monti, nonce apostolique en Espagne et cardinal archevêque de Milan, le révérend père Juan de Saint-Thomas, confesseur de Philippe IV. Et les ministres de l'Inquisition chargés de l'examiner s'accordèrent à dire que cet ouvrage si pieusement remarquable avait été écrit par révélation divine. Toutes ces approbations seront rapportées en entier à la tête du premier volume de la Cité Mystique. Revêtu de ces nombreuses approbations, cet ouvrage parut d'abord à Madrid en 1670. Puis successivement, avec la permission des ordinaires, à Perpignan, à Anvers et à Lisbonne, où il fut dénoncé à l'Inquisition de Portugal. Ce tribunal chargea plusieurs docteurs de l'examiner. Cet examen fait avec une rigoureuse impartialité, le livre de la Cité Mystique de Dieu fut approuvé par les révérends pères François Almada et Antoine Mora, de la Compagnie de Jésus, docteur en théologie, Alphonse Salizanet, général de l'ordre de Saint-François, André Mandé, de la Compagnie de Jésus, prédicateur de Sa Majesté catholique, qualificateur du Grand Conseil de l'Inquisition et ancien lecteur en théologie, Dom Diego de Silva, docteur en théologie, depuis général de l'ordre de Saint-Benoît et évêque de Cadix, Miguel de Escarti, évêque de Tarazone, membre du Conseil de Sa Majesté catholique. Depuis lors, voici les vicissitudes diverses qu'eut à subir la Cité Mystique. En 1680, le pape Alexandre VIII en permit la lecture, comme il compte dans le procès de la béatification de la sœur. La mort l'empêcha d'emporter le décret. En 1681, le 4 avril, la Sacrée Congrégation de l'Index censura ce livre, mais à peine ce décret eut-il paru, que le roi d'Espagne écrivit au pape pour lui faire connaître la répulsion profonde qu'il rencontrait dans tout le royaume, et le priait avec instance de le retirer, ce que le pape fit en effet. Innocent XI donna un autre bref par lequel il suspendait la censure. Malgré des assertions contraires, la Cité Mystique n'a jamais été insérée dans aucune édition de l'index. Clément XI en 1704 défendit expressément de l'y mettre. À la vue du bref qui suspendait la censure de la Sacrée Congrégation, l'Inquisition d'Espagne permit la lecture de cet ouvrage dans toute l'étendue de sa juridiction, et cette permission fut confirmée par un nouveau bref du pape. En 1694, une traduction parut en langue française. L'Université de Paris en extrait un certain nombre d'articles, et les condamne comme faux et contraires à la doctrine de l'Église. En 1713, l'évêque de Sénédo interdit à ses diocésains la lecture de ce livre, et le 15 septembre de la même année, la Sacrée Congrégation du Saint-Office lui enjoint de retirer cet interdit. En 1729, le souverain pontife Benoît XIII, par son décret du 21 mars, permet de retenir et de lire la Cité Mystique. En 1748, Benoît XIV donne une longue bulle, dans laquelle il en fait un éloge pompeux. En 1771, Clément XIV, par son bref du 11 mars, déclare qu'il est vraiment l'œuvre de la servante de Dieu Marie de Jésus d'Agreda. Tous ces brefs, ainsi que la bulle de Benoît XIV, seront rapportés textuellement à la fin de l'appendice. Tel est l'exposé succinct des épreuves auxquelles fut soumis le livre de la cité mystique. Maintenant, pour l'édification des lecteurs, il ne serait peut-être pas hors de propos de rechercher les causes de l'hostilité que cette œuvre a rencontrée, surtout en France. Nous rappellerons ici brièvement que la vénérable abbesse d'Agreda avait été confidente de Philippe IV, lequel, dans une correspondance suivie de 20 années, l'entretenait de son gouvernement, de ses guerres, de ses espérances et de ses ennemis, se recommandait à ses prières, et puisait des conseils et des consolations dans les lettres admirables que cette servante de Dieu lui adressait. Ouvrage cité, lettre 5, page 85. En ce moment, l'Espagne était en lutte avec la France. Une flotte française commandée par le marquis de Brézé avait défait la flotte espagnole près de Cadix, détruit 5 galions arrivant des Indes, et engloutit avec eux des richesses immenses. La guerre de Catalogne suivit de près ce fâcheux événement. Barcelone, révoltée contre son roi, et soutenue dans sa révolte par la France. Assiégée du côté de la terre par le marquis de Mortara, et bloqué par mer par Don Juan d'Autriche, ces infortunés habitants souffrent une disette excessive. Monsieur de la Ferrière, commandant la flotte française, paraît en vue de la ville avec un envoi considérable de vivres, mais la violence des vents, les difficultés de la mer et les efforts de la flotte espagnole l'empêchent d'approcher. Il reste longtemps encore sous les voiles, puis il remet le cap sur la France, au grand désespoir des assiégés, mourant de faim. Le roi en transmet la nouvelle à Sœur Marie. La flotte ennemie s'est retirée, lui dit-il, et la mienne a pu se rapprocher de la ville et empêcher l'entrée des vivres. À cette communication, que nous abrégeons, notre vénérable mère sort de ses habitudes, et répond avec énergie. Ouvrage cité, lettre 5, page 35. Puisque le succès de l'entreprise consiste à ne pas laisser entrer de vivres, et que c'est seulement par la faim qu'il est possible de réduire ces cœurs rebelles, je désire qu'ils la ressentent. C'est pour eux un mal moins grand que la désobéissance et la rébellion aux lois de leur seigneur et maître naturel. Voir pour de plus amples détails l'ouvrage de Monsieur Germain de Lavigne, introduction. Or, si les antipathies d'homme à homme sont quelquefois si tenaces, que dirons-nous de celles de nation à nation? On s'explique assez facilement comment la Sorbonne, imbue de l'esprit national, n'aimera pas un livre échappé de la plume d'une femme qui prend parti contre les ennemis de l'Espagne soutenus par la France, qui prie pour le succès de l'Espagne, et s'afflige profondément de la mort du jeune Don Carlos, mort qui avait réjoui la France. Ce motif nous semble déjà suffisant pour soulever les antipathies nationales contre cet admirable travail. Nous ne voyons là toutefois qu'une raison bien secondaire. Le mobile principal de la répulsion profonde de la Sorbonne pour l'œuvre de Marie d'Agreda, il est aisé de le reconnaître dans l'esprit janséniste, dans une malheureuse tendance au naturalisme qui avait saisi à cette époque une partie notable du clergé français. Le mysticisme effrayait ces hommes d'élite, chargés d'entretenir le feu sacré. Ils dissimulaient les miracles, retranchaient de la vie des saints tout ce qui tenait à l'extraordinaire, au surnaturel, au mystique, et travaillait ainsi à rationaliser la religion. Témoins les biographies de Launoy, de Bayet, de Gouget, de Mezenguy, etc. Or, la vie tout entière de Marie de Jésus était en fait la contradiction vivante de ces funestes tendances. Sa vie miraculeuse et extatique, ses écrits, et notamment la cité mystique, en était la condamnation vent la plus formelle et la plus énergique. La réponse faite par l'évêque de Nîmes à un cordelier, qui le priait de traduire cet ouvrage, vient justifier cette appréciation. Ce livre, dit le prélat, n'aurait point en France tout le succès qu'il obtient en Espagne, à raison de la différence de l'esprit des deux nations. Ainsi, cette œuvre admirable, respirant la piété la plus pure, sera condamnée à l'oubli par un évêque à raison de la différence de l'esprit des deux nations. Qu'y a-t-il d'étonnant après cela que la Sorbonne, fidèle servante du roi, est la plus haute personnification scientifique des malheureuses tendances jansénistes et rationalistes du pays, intervint au nom de l'esprit national, et censura mesquinement la cité mystique. Quelques-uns de ses docteurs l'avaient approuvé, mais l'archevêque de Paris et plusieurs autres prélats, s'étant plaint au syndic de la faculté de ce que des docteurs de Paris approuvaient un livre rempli de visions comme celui de l'abbesse d'Agreda, l'ouvrage fut dénoncé à l'Assemblée, qui, après de longues et vives discussions, en censura quelques propositions, le 2 mai 1696. Cette censure ne demeura pas sans réponse. Au premier rang de ses adversaires, nous trouvons le savant cardinal d'Aguirre, qui, sans approuver la fidélité de la traduction, défendit énergiquement l'ouvrage lui-même dans un écrit qui n'a pas vu le jour, Benoît XIV, bulle cité. Il écrivit dans le même sens une lettre au roi de France et une autre à l'archevêque de Paris. L'Espagne, toujours fidèle à la mémoire de sa vénérable abbesse, continua à tenir ce livre en singulière estime. Des protestations nombreuses furent adressées au roi dans lesquelles on lui disait qu'il n'y allait pas moins que de la sûreté de sa couronne et de la tranquillité de l'État d'empêcher la censure de cet ouvrage. Charles II, n'ayant pu empêcher cette censure, chargea les universités de Salamanque et d'Alcala d'examiner la défense présentée par l'ordre de Saint-François, des propositions de la cité mystique que la Sorbonne avait frappée de sa condamnation. Or, les susdites universités, assemblées par ordre du roi le 19 août 1697 après un long examen, répondirent la défense présentée par le révérend père Gabriel de Noboa ne contient rien de contraire à la sainte foi catholique. Les susdites universités la trouvent conforme à l'autorité des saints pères, des sacrés canons, et à la saine théologie. Elle prouve par d'importantes autorités que la matière des propositions condamnées peut certainement être révélée, et renverse la censure avec autant de modestie que de succès, confondant les docteurs de Paris par des arguments si solides et avec une si grande abondance de témoignages, soit dans sa défense écrite, soit dans celle qu'il nous a présentée de vive voix dans nos diverses réunions tenues à ce sujet, qu'on lui peut appliquer ce que dit Lactance de l'Apologie de Tertullien, « Bancos amplonae per oravi ». L'université de Louvain suivit l'exemple des universités d'Espagne. Le 20 juillet 1715, les docteurs Hermann Damon et Antoine Parmentier examinèrent à leur tour cet ouvrage, et voici le jugement qu'ils en portèrent. Dans cet ouvrage, la cité mystique, on trouve ce qu'il y a de plus sublime dans la théologie exposée avec une facilité si grande, exprimée et déduite d'une façon si naïve, si simple, si aisée et si claire, que le bon sens suffit pour entrer, en le lisant, dans l'intelligence de nos mystères. L'ouvrage tout entier a quelque chose de si particulier et de si attrayant, qu'on le quitte avec peine dès que l'on en a commencé la lecture. La nouveauté, la variété des choses qu'on y trouve délasse le lecteur et l'occupe très agréablement en l'instruisant et en l'enflammant. Et l'on est persuadé que, si la vie de Jésus, Christ et celle de la Sainte Vierge n'ont pas été connues jusqu'ici telles qu'elles y sont décrites, elles ont pu être telles, puisque tout y est digne de la majesté et de l'abaissement de Dieu, que tout répond parfaitement à la sainteté de la Vierge, et à la dignité de la Mère de Dieu. Ces approbations si hautes et si graves ont assez de poids, il nous semble, pour contrebalancer la censure sorbonique, à laquelle le Saint-Siège n'a jamais attaché aucune importance, comme le prouvent les décrets que nous avons cités. Dans sa bulle pour la reprise du procès de la béatification de Marie d'Agreda, nous ne voyons pas que Benoît XIV ait été arrêté un instant par la condamnation de la Sorbonne, et quand il nomma une congrégation spéciale à cet effet, il ne dit pas un mot des propositions condamnées. Mais si la doctrine de la cité mystique eût été douteuse, et à plus forte raison condamnable, cet éminent pontife aurait-il mis un si grand zèle à évoquer à son tribunal suprême une cause entachée d'une fin de nom, recevoir aussi péremptoire que l'erreur dans la doctrine? Et pourtant il parle du livre, et il en parle avec estime. Il le loue, il en ordonne l'examen en disant que, s'il est constaté qu'il soit l'œuvre de la servante de Dieu, la mémoire de Marie de Jésus en recevra un grand lustre. Bulle postulatum. S'il mentionne la censure, c'est pour y opposer immédiatement l'autorité, plus grave à ses yeux, de son ami d'enfance le cardinal d'Aguirre. Et lorsque Zébamor se permet d'élever des objections d'un autre genre contre la cité mystique, il accepte volontiers la dédicace d'une longue et solide réfutation de ces objections, faite par le frère Diego González Mato. Aussi, malgré la réserve que ce grand pontife met dans toute cette affaire, on ne laisse pas de voir percer l'ardent désir qu'il éprouve d'arriver à l'approbation officielle de cet ouvrage et à la béatification de son auteur, qui en doit être la principale conséquence. Un dernier mot nous reste à dire sur la traduction que nous offrons au public. Lorsque le cardinal d'Aguirre repoussa la censure de la Sorbonne, il crut cependant devoir reconnaître la légitimité de cette censure comme pouvant tomber sur la traduction du père Crozet, qu'il accuse d'être peu versé dans la langue espagnole. Ne pourrions-nous pas, comme le dit Benoît XIV dans sa bulle, retourner le même reproche contre le savant cardinal, puisque, pour bien juger du mérite d'une traduction, il est nécessaire d'être profondément versé dans les deux langues? Or, des hommes très compétents en pareille matière ont adressé au père Crozet les approbations les plus flatteuses pour la version dont il a enrichi notre littérature. Passant donc sous silence les approbations des Dinguimberti, Séraphin Picot, Gallet, Casimir Sauret, Cyril Rousset, etc. etc., dont on trouvera le texte en tête de la cité mystique, que l'on nous permette de citer ici quelques lignes tirées de celles du révérend père Gaspard du Saint-Esprit, lecteur en théologie, gardien de la province de Saint-Joseph de Los Descalcos. Chargé par le révérendissime père général de tout l'ordre séraphique d'examiner le travail du père Crozet, il dit « Révérendissime père, j'ai vu avec toute l'attention possible la traduction que le révérend père Thomas Crozet a faite en français des admirables livres de la cité mystique de Dieu, que la vénérable mère Marie de Jésus d'Agreda a écrit en langue espagnole. Je puis assurer à votre révérence que j'ai longtemps fréquenté le traducteur, et que j'ai reconnu en lui la profonde intelligence qu'il a de notre langue espagnole, circonstance très nécessaire pour incorporer toute l'énergie que cet ouvrage renferme, à la propriété de la langue française, ce qui est véritablement une entreprise difficile. Mais ayant, par la grâce de Dieu, l'intelligence de cette langue, j'ai confronté toute cette version avec l'original espagnol, en présence du même traducteur, sans laisser passer la moindre chose qui ne fût très conforme à l'original, et je l'ai trouvé si exacte et la phrase espagnole si bien exprimée dans la phrase française, qu'elle pourrait passer pour un original en cette langue, si l'on ne savait pas que c'est une traduction. Nonobstant ces imposantes autorités, nous avons voulu la soumettre à une nouvelle collation, qui a été faite par un linguiste distingué possédant à fond la connaissance des deux langues. Son rapport a pleinement confirmé les témoignages que nous avons cités. Nous ne doutons pas qu'un ouvrage répandu dans le monde chrétien tout entier, qui a été traduit en français, en allemand, en flamand, en italien, en arabe, en latin, et dont les éditions se sont multipliées partout, ne soit accueilli avec faveur par les âmes qu'un matérialisme abject n'a point rendues insensibles aux ineffables beautés des révélations divines. En parcourant ces magnifiques pages écrites par une main angélique sous la dictée de l'Esprit de Dieu, qui illumine l'intelligence en même temps qu'elles embrasent le cœur, elles acquerront bientôt la conviction que ces aperçus lumineux sur les plus grands mystères, cette connaissance approfondie des saintes écritures, ces appréciations si justes, si sûres des dogmes sacrés, trahissent une science supérieure à celle d'une humble fille sans éducation première, et dénuée de toutes les ressources capables d'y suppléer. Évidemment, l'imagination la plus vive, la plus puissante et la plus exaltée ne saurait aller jusque-là. Cette publication semble même entrer dans les vues de la Providence, qui se plaît à glorifier en ce siècle avec un éclat incomparable la Sainte Mère du Divin Rédempteur. La cité mystique de Marie d'Agreda est en effet l'hymne la plus solennelle que l'on puisse chanter, le monument le plus splendide qu'il soit possible d'ériger en l'honneur de la bienheureuse Vierge Immaculée. C'est le but principal que nous nous sommes proposés dans ce travail. Bibliothèque franciscaine, vie de la Vénérable Mère, Marie de Jésus, abbesse du monastère de l'Immaculée Conception de la ville d'Agreda, de l'Ordre de Saint-François, par le Révérend Père Joseph Ximénez Samaniego, général de cet ordre et ensuite évêque de Placentia, traduite de l'espagnol par le Révérend Père Crozet, franciscain, Paris, librairie de Madame Veuve Poussiel Gerouzan 23 rue Saint-Sulpice 1857, markemdanarchive.org, d'après Gallica BNF FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.